Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui un grand témoin de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous recevons en effet un célèbre agent secret, un homme qui a joué un rôle non négligeable à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir. Avant de poursuivre ses aventures à travers le monde, il a notamment créé les premières unités de nageurs de combat. À ces quelques mots, vous aurez sans doute reconnu Bob Maloubier, que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Tiffany sur les origines de l'alphabet braille. Ben ma foi, pourquoi pas. Pour le moment, je vous propose de vérifier vos parachutes, parce qu'avec Monsieur Maloubier, mieux vaut parer toute éventualité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bonjour Bob Maloubier. Bonjour Franck Ferrand. Je conseille à nos auditeurs, en tout cas tous ceux qui le peuvent, de se rendre sur internet pour vous voir, parce qu'il y a bien sûr ce que vous allez nous raconter, mais il y a la façon de le raconter. Déjà, pendant que je vous présentais, là en quelques mots, vous étiez en train de faire de grands gestes, vous montriez que je faisais du violon. C'est pas du violon, je racontais en fait ce que vous êtes. Alors d'abord il faut vous décrire avec cette moustache connue. Quelle envergure, la moustache assez importante quand même, il faut le dire. 10 pouces, pas plus. 10 pouces. Je dois raconter à nos auditeurs comment est née l'idée de cette émission. Vous avez été fait, c'était il n'y a pas très longtemps, là, le 5 juin dernier, vous avez été fait membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II et j'ai eu la chance d'assister à cette très belle cérémonie. À la fin, je suis allé vous voir, je vous ai dit, est-ce que vous accepteriez de venir nous parler dans au cœur de l'histoire? Vous m'avez dit, mais oui, mais quel serait le sujet? Je dis, le seul sujet possible, c'est vous. Et vous m'avez dit, excellent sujet. Je pense qu'en fait, c'était assez bien résumé, votre personnalité, votre humour, votre façon de prendre les choses. Le Jean-Louis Crémieux-Briac, qui fait la préface de votre ouvrage, Agent secret de Churchill, dit que vous êtes une personnalité haute en couleur. C'est vrai, vous avez un caractère assez étonnant. C'est vous qui le dites, moi j'en sais rien, je sais que je suis doux comme un mouton. Bon, voilà. Alors on va essayer de parcourir un peu votre vie. D'abord, expliquer d'où vous venez, parce que vous ne vous êtes retrouvé dans les services secrets britanniques qu'à la faveur d'événements tout à fait imprévus, il faut le dire. Quelles sont vos origines, Bob Maloubier? Où êtes-vous né, tout simplement? Je suis né par hasard à Neuilly-sur-Seine, de parents qui venaient d'Amérique, où ils étaient tous les deux professeurs. Et après la guerre de 14-18 que mon père a faite interprète auprès du corps expéditionnaire britannique et au cours duquel il a rencontré Churchill à plusieurs reprises, a jugé que le New York qu'il avait connu pendant une bonne dizaine d'années avant la guerre de 14-18 n'était plus celui-là, n'était plus le même, qui avait maintenant le chewing-gum, le coca, l'âpreté, gagner de l'argent, etc., qui voulait pas que son fils, qui venait de naître, devienne un petit Yankee, qui boivent du coca et qui marchent de la gomme. Donc il a pris son fils sous le bras et il est arrivé en 1920 à Paris, oui. Où ma mère, qui voulait absolument que ses enfants, dont mon frère et celui à venir, c'est-à-dire moi, respirent le bon air, a dit « je m'installe à Neuilly parce que c'est sur le bois de Boulogne, ils auront du bon air à respirer ». Donc je suis tombé à Neuilly. Votre frère, lui, est américain en fait. Hein. Il a vécu finalement, lui, aux États-Unis. J'ai un frère qui est né aux États-Unis et qui est américain, oui. Mais... Alors, vous êtes à Neuilly, vous avez un accident étant enfant, il faut le dire ça, vous revenez de loin, comme on dit. Oui, je suis souvent revenu de loin, enfin, oui. Quand j'avais deux ans... Là, c'était la première fois. La première fois, j'avais deux ans et demi, je suis tombé dans une bassine d'eau bouillante. Enfin, jusqu'au genou, pas plus haut, comme on disait toujours. De ce côté-là, il pourra toujours se reproduire. Mais j'ai été brûlé aux mains et aux pieds, et je suis resté environ deux mois... couché, emmailloté dans un lit, voilà, jusqu'à ce que j'arrive à survivre. J'ai survécu, je sais pas pourquoi. Je survis jour après jour, écrivez-vous, semaine après semaine. Miraculeux, s'exclame notre médecin, lorsqu'un matin, il ose déballer deux baguettes de tambour, mes jambes, à la peau parcheminée, dépigmentée, couleur gras de jambon, mais vierge de nécrose et d'infection. Ne reste plus qu'à forcer qu'un forcé articulation et tendon grippé, semble-t-il à jamais, après des mois de martyre, victoire. Ça va vous donner l'envie de surmonter, bien entendu, cette adversité. Vous faites beaucoup de sport étant jeune, il faut le dire. Hein. J'ai fait, hélas, d'après mes parents, beaucoup plus de sport que d'études. J'étais plus porté sur la natation. Je faisais partie de l'équipe du Racing Club de France. Sur le cross-country, j'ai été champion de France de cross-country. Sur le hockey sur glace qui débutait, etc., etc. Et oui. Alors vous aviez un rêve à l'époque, vous vouliez devenir pilote. Il faut dire qu'on est dans l'épopée, évidemment, des premiers grands aviateurs, là, dans cet entre-deux-guerres. Hein. On est l'épopée des premiers grands aviateurs où mon père m'ont pas emmené voir Lindbergh atterrir, j'étais trop jeune. Mais j'ai vu Costebellont, voilà. Je crois, un balcon de l'hôtel Majestic quand ils sont revenus des États-Unis. Et moi, j'ai toujours voulu être pilote de chasse. Attention. De chasse. De chasse, oui. Hein, attention. Hein. Oui, bien voilà, entendu. C'était mon rêve. Alors, vous allez faire vos études. À l'approche de la guerre, vous avez donc 17 ans. C'est le moment du bac. Sauf que quand vous arrivez pour passer le bac, eh bien, il y a des affiches sur la porte des salles d'examen en disant, étant donné les événements, on est au tout début de la guerre, le baccalauréat est reporté à une date ultérieure. Oui, on n'est pas au tout début de la guerre, on est à la fin de la guerre en France, si vous voulez, puisque oui. C'est mai 1940, 40, oui. Au moment où les Allemands ont enfoncé le franc français et sont à peu près à proximité de Paris, d'ailleurs, je crois. C'est l'offensive, oui. Oui, j'ai quitté Paris, les Allemands étaient là sous deux jours, je crois. Alors, vous aimeriez vous battre à l'époque, vous êtes très jeune pourtant. Oh, je suis jeune, mais à l'époque, effectivement, on avait vu monter le nazisme, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était chef d'un service de presse, qui était parfaitement au courant de tout, alors que la France, se bernait d'illusions. Mon père disait, de toute façon, avec la puissance nazie, nous allons à la guerre, alors que tout le monde disait, on va l'éviter. Donc, faire la guerre, et ben, quand on a 17 ans, c'est d'une façon comme une autre de faire du sport. Alors, vos parents sont réfugiés, c'est l'époque de l'Exode, hein, vos parents sont à Saintes, vous allez les rejoindre d'ailleurs. Il y a une scène là qui est assez extraordinaire, il faut dire. Oui, oh ben non, à l'époque, il y avait très peu de voitures, vous savez, on a circulé en vélo, donc faire un Paris-Bordeaux à vélo à l'époque, c'était tout à fait normal à travers l'Exode, en évitant les Stukas, bien sûr, parce qu'il y avait des bombardements sur les routes de l'Exode. Enfin, je crois que je suis arrivé à Bordeaux en deux jours et demi ou trois jours. Et vous avez toujours à ce moment-là l'idée d'être pilote, bien entendu. Ah, bien sûr, bien entendu. Plus que jamais, même, en vérité. Bah, encore plus. Alors, votre père va vous encourager. Ça, oui, c'est mon assez. Mon père va m'encourager. Quand je suis arrivé, il avait entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu. Il avait entendu l'appel de Gaulle, l'appel de Pétain, l'armistice, bien sûr. L'appel de Gaulle, il me dit, mon fils, dans l'état actuel des choses, je crois qu'il y a un monsieur, il s'appelle Churchill, que j'ai connu, qui est vraiment le seul homme qui puisse résister à Hitler. Eh bien, écoute, au point où tu en es, va donc rejoindre M. Churchill en Angleterre. Voilà. Et en fait, c'est pas ce qui va se produire, parce qu'il faut tenir compte, évidemment, de la situation et de la très grande difficulté qu'il peut y avoir à l'époque à rejoindre l'Angleterre. Oui, il n'y avait pas de lignes aériennes. Il n'y avait plus de bateaux, il n'y avait plus de ferries. On peut dire, donc, j'ai essayé de m'embarquer à Saint-Jean-de-Luz, d'ailleurs, et j'ai été malheureusement stoppé. Je paraissais trop jeune pour faire partie de l'armée polonaise. J'étais déguisé en polonais, mais j'étais arrêté par un capitaine polonais qui m'a adressé la parole en polonais. J'étais bien en peine de lui répondre. Donc il m'a dit « Reprends la queue ». Sur le quai de Saint-Jean-de-Luz, à ce moment-là, les Allemands sont arrivés. Donc j'ai filé vers le sud. Mmh. Et le sud, c'est finalement la Tunisie. C'est là que vous allez Marseille, ensuite, ouais. Arrivé à passer en Tunisie. Voilà. Alors on est juste très peu de temps avant le fameux débarquement anglo-américain d'Afrique du Nord, hein, en novembre 1942, qui veut dire aussi débarquement des Allemands, eux, de leur côté. Ils arrivent par l'est de débarquement en Tunisie. C'est là que nous allons vous retrouver dans un instant, car si vous voulez, je vais prendre la suite de ce récit. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous nous racontez l'histoire et le parcours de Robert Maloubier, ancien agent secret de Churchill. Qui a donc, à l'époque, il a à peine 18 ans, et il a envie de devenir pilote, bien entendu. Donc il nous a raconté, Robert Maloubier, dans quelles circonstances il s'est retrouvé en Tunisie. En février 1941, écrit-il, « Mon ami Jean Kissling, fils du peintre Moïse Kissling, et moi courons nous enrôler dans l'aviation. » Je salue d'ailleurs au passage Jean Kissling s'il nous écoute très chaleureusement. Option Tunisie, dit-il, choix sans faille, élève pilote à notre premier lâcher en solo. Nous mettrons le cap soit sur Malte, soit sur la Libye où les Britanniques déculottent les Italiens. C'est ça le plan en fait, c'est utiliser les avions de l'armée d'armistice d'une certaine manière pour essayer de regagner le camp de la liberté. Après 4 mois d'école du soldat sous poigne de fer, écrivez-vous Bob Maloubier, au régime jockey, dans la bise glaciale de la vallée de l'Isère, puis sous le soleil torride du plateau tunisien de Zaghouan, je suis affecté à Sidi Ahmed, base près de Bizerte, Jean à El Aouina. Il arrive en Tunisie en novembre 42, notre Bob Maloubier, vous imaginez, c'est-à-dire donc au moment où tout est en train de basculer en Afrique du Nord, avec ce débarquement des Alliés d'un côté, des Allemands en Tunisie. À ce moment-là, Bob Maloubier s'enfuit, il va rejoindre l'Algérie. Or, novembre 42, n'oubliez pas, on est précisément au moment du grand numéro, si j'ose dire, de l'amiral Darlan en Algérie. L'auteur de la préface de l'ouvrage de Bob Maloubier, Jean-Louis Crémieux-Briac, écrit « C'est là, faute de contact avec la France libre, qu'il s'est laissé enrôler dans le service britannique le plus prometteur d'action. » Ça s'est pas passé aussi vite et aussi facilement, d'une certaine manière, parce que avant son recrutement par le SOE, Bob intègre ce qu'il qualifie d'officine discrète qui recrute des volontaires pour étoffer un commando clandestin dont le noyau est constitué de gaullistes. L'officine en question, c'est le Special Detachment. Alors, que s'est-il passé là? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ça va être une des questions que je veux vous poser, Bob Maloubier. Mais c'est toute l'affaire de l'assassinat de Darlan par Fernand Bonnier de la Chapelle. Vous racontez vous-même, derrière les murs d'une grande exploitation agricole, nous rejoignons de jeunes garçons en battle dress, armés de mitraillettes Sten, qui s'exercent au tir et s'initient aux explosifs. Et donc, vous rencontrez là Pierre Reynaud, Fernand Bonnier de la Chapelle, qui ont pris part tous deux à la première manifestation contre l'occupant le 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe. On se rappelle cette affaire. Il y a aussi à cet endroit Jacques de Guélis, qui est un major anglais. Et c'est lui qui va vous enrôler dans les services secrets britanniques. Pourquoi? Eh bien parce qu'il vous juge doué pour le tir instinctif, pour le combat à main nue notamment. Bref, il a vu qu'il avait affaire à un vrai combattant. « Moi, soldat de l'ombre, alors que je rêve de me battre en plein ciel, écrivez-vous, je demande à réfléchir. » Seulement voilà, la veille de Noël, Fernand Bonnier de la Chapelle va tuer l'amiral Darlan. Il a 20 ans, il sera lui-même fusillé le surlendemain, le 26 décembre, et à ce moment-là, vous vous réfugiez, vous, avec Pierre Reynaud et Henri Siols, chez Guélis, et vous n'avez pas tellement le choix. Il nous promet de nous embarquer dans la prochaine felouque, écrivez-vous, à condition que nous embrassions la carrière d'espion. Nous n'avons guère le choix, voilà ce qui va se passer. C'est extraordinaire ces périodes de guerre et de révolution où le destin de chacun bascule constamment au gré d'événements évidemment totalement imprévisibles. Alors vous voilà donc dans ce service britannique, le SOE, Special Operations Executive, qui à l'époque est totalement ou quasi inconnu en France en tout cas. Il a été créé par Churchill il y a très peu de temps, à l'été 1940, vous l'écrivez vous-même. Alors que Hitler s'apprêtait à lancer l'opération Zeeleeuwe, c'est-à-dire l'opération Lion de mer, l'invasion de l'Angleterre à laquelle Winston n'avait presque rien à opposer, ce Premier ministre britannique crée donc de briques et de broc le Special Operation Executive, le SOE, une petite armée clandestine, privée, qu'il baptisait sa quatrième arme et à laquelle il intimait sans rire « Mettez le feu à l'Europe !» Je ne le fais pas avec l'accent de Churchill, mais le cœur y est évidemment. Le plus étonnant est qu'à la longue, le SOE est perduré. Ça va être effectivement un moteur des événements de 1944, notamment moteur de l'action résistante française. Jusqu'à la libération, ce SOE va former des agents des services secrets de la France libre. Il y a une section spécialisée d'ailleurs, la section F, qui est dirigée par Buckmaster, qui va constituer en France ses propres circuits clandestins d'action. L'attitude du général de Gaulle est assez ambiguë. Ça aussi, il faudra qu'on y revienne tout à l'heure, bien entendu, puisqu'il tient, lui, à ce que tous les ressortissants français qui abordent le sol britannique soient versés dans les troupes de la France libre, soient mis à la disposition de la France libre. Voilà ce qu'écrit Jean-Louis Crémieux-Briac. « Pour des motifs obscurs, la relation officielle de ces activités a été interdite de traduction en France pendant 50 ans, c'est quand même un peu extraordinaire. Elle n'a pu y être éditée qu'en 2008. Et du fait de hasard malheureux ou d'une conjoncture hostile, aucun des récits publiés en Angleterre par ses agents n'a été traduit en français. C'est quand même assez... on est vraiment... Non seulement on est dans un service secret, mais dans un service qui est resté secret, d'une certaine manière. Alors, vous allez bien sûr être entraîné, Bob Maloubier. Vous intégrez une école qui s'appelle la Special Training School numéro 5 à Chichley. On est au nord de Londres. Alors, faut imaginer le paysage anglais, bien entendu. Un charmant village aux chaumières chaulées à la Walt Disney, écrivez-vous. Vous êtes dans une demeure édouardienne sur le Hawks Back, à quelques kilomètres de Guildford, et qui donne sur un grand parc abritant un stand de tir, une carrière de démolition. Là, il y a un officier, le capitaine Bissett, qui est un Anglais qui a passé des années à Paris, qui va vous former en quelque sorte. On vous enseigne le combat sans armes, le tir, parcours du combattant, enfin, etc. Il y a une dizaine de jeunes gens qui sont là, qui s'entraînent. Quand je dis de jeunes gens, il y a aussi trois jeunes femmes. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire de Robert Maloubier, agent secret de Churchill. Alors, il faut former ces nouveaux agents du SOE, bien entendu, avec une évaluation qui consiste notamment à un parcours d'orientation. J'ai bien aimé ce passage de votre livre, Bob Maloubier. Vous expliquez que l'exercice commence dans une forêt. Il faut s'orienter sans lumière, sans boussole, sans carte, sans se faire prendre par des guetteurs qui sont censés être des ennemis. En fait, ils sont interprétés, enfin, ils sont joués par les professeurs eux-mêmes. Et il faut que vous vous rendiez jusqu'à état-major au bureau du major Watt, qui est le commandant de l'école. Alors vous arrivez jusqu'au bâtiment, on imagine ça. Ça ferait un film superbe, hein, toute cette histoire. Vous entrez par la fenêtre, sauf que vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Vous entrez dans la chambre d'une jeune fille qui s'appelle Prudence, qui est grippée. Alors elle est restée au lit, que voulez-vous? Et là, vous apercevez sa poitrine dénudée. Alors on se pose des questions, bien entendu. Bon, je ne pense pas révéler un grand secret en disant que vous aimez les jolies femmes. Donc évidemment, ça commence... Il y a presque une petite aventure qui naît là, et puis vous vous dites, mais c'est peut-être un piège en fait. Elle est peut-être là pour servir d'appât. Il ne faut pas oublier que le quartier des ladies à l'époque est totalement interdit aux hommes, hein, bien entendu. Donc finalement, vous allez vous arracher très vite de ses bras, quitter la chambre, arriver jusqu'au bureau du major. Bref, vous voilà apte à poursuivre la formation. Je résume ça à quelques mots, bien entendu, mais c'est 6 mois d'une très forte formation avec l'apprentissage de la filature, la lecture de courriers sans laisser de traces, hein, arriver à extraire une lettre, le crochetage de serrures, le déchiffrage de combinaisons. On vous apprend même à vous grimer, etc. On vous apprend même à utiliser différents poisons, le cyanure, l'arsenic, l'aconite, la toxine botulique, etc. Et vous voilà prêt, fin prêt, pour la première mission. On est en 1943, la mi-août 1943. Bob Maloubier est donc parachuté clandestinement en Haute-Normandie, pas loin de Rouen, avec un rôle très sérieux. Il s'agit d'être saboteur dans le fameux réseau Salesman, qui est le réseau de Philippe Liévert, alias Staunton. Alors vous êtes là, vous, sous le nom de Robert Mollier, et vous allez réaliser des sabotages, vous formez les groupes de combat dans toute cette région de Rouen. Il participe, écrit Jean-Louis Crémieux-Briac, à l'opération la plus spectaculaire accomplie par le réseau Salesman, la destruction d'un petit vaisseau de guerre en réparation aux ateliers et chantiers navals de Normandie, pour laquelle il a lui-même fourni les explosifs. Dès le mois suivant, il inscrit en 3 semaines 2 exploits son actif, la paralysie de l'usine de la Française des métaux de Devine, qui fabrique pour les Allemands des éléments de train d'atterrissage, et la mise hors service pour 6 mois du transformateur de la centrale de Dieppedalle, qui alimente en courant toute cette région rouennaise. Ça va avoir des conséquences évidemment importantes. Hélas, Bob Maloubier est blessé, fin décembre, blessé par balle au cours d'une opération, blessé par les Allemands évidemment. Il réussit à s'échapper, le voilà récupéré par le service, par le SOE, soigné par un résistant d'ailleurs de Deville-lès-Rouen, et est contraint de rentrer à Londres. Et c'est au lendemain, mais alors juste au lendemain du débarquement des Alliés, en juin 1944, que Bob Maloubier est parachuté une seconde fois. On est 24 heures, oui, à peine, 48 heures après les premières opérations du débarquement. Dans la nuit du 7 au 8 juin, ce sera l'opération Réseau Salzmann 2, toujours avec Philippe Liever. Alors là, il s'agit d'apporter un véritable renfort au maquis du Limousin dont nous parlions à ce même micro l'autre jour avec Gilles Perrault, freiner la pénétration des Allemands. Il faut venir aider des agents du SOE qui sont là sur place, notamment un commando SAS français et une unité de Rangers. Vous rejoignez donc vous êtes rejoint plutôt à ce moment-là par Jacques de Guélis dont je parlais tout à l'heure, et par le capitaine Bissette lui-même. Et début août, c'est Brive qui tombe. On est dans cette espèce de ce bouillonnement terrible de la libération et des opérations dans cette région, la région R5 de Limoges. Rapidement, on sait que les Allemands vont laisser Limoges, c'est ce que je racontais l'autre jour. Vous êtes le premier à entrer dans la ville. Je désarme les officiers allemands, écrivez-vous, à l'exception des SS qui enlèvent le général, l'exécutent, percent l'encerclement des maquisards et se ruent vers l'est. L'opération n'en est pas moins réussie. On connaît bien sûr cette reddition de Limoges le 21 août 1944. Et là, le réseau est déplacé vers la Sologne avec pour nouvelle mission d'aller dégarnir les Allemands qui tentent de regagner l'Allemagne. C'est tous ceux qui sont en train là en voie de rapatriement accéléré. Vous voilà blessé de nouveau. Au cours d'une action, vous êtes seul, vous voyez des cyclistes, il y a trois cyclistes, alors vous décidez de les attaquer. Seulement, c'est pas trois cyclistes en fait, ce sont les premiers d'une très très longue colonne en fait, ils sont 18 000 au total. Vous êtes touché au bras à ce moment-là et je dois à mon uniforme britannique de ne pas avoir été fusillé à chaud, écrivez-vous. Vous êtes donc prisonnier pendant 6 mois, jusqu'au jour où un général allemand vous propose de vous rendre la liberté si vous emmenez une ambulance pleine de blessés allemands jusqu'au premier hôpital, parce qu'il n'y a plus moyen de sauver les hommes. Blessé moi-même, écrivez-vous, je quitte mes hôtes à la tête d'un peloton d'ambulance que j'escorte jusqu'à l'hôpital de Moulins, où les religieuses prennent les hommes en charge. Et vous, une fois de plus, vous allez à ce moment-là être récupéré par le SOE. J'ai vu que vous faisiez de grands signes en disant non à l'instant. On va rectifier dans une minute. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous recevez Robert Maloubier, ancien agent secret et auteur du livre « Agent secret de Churchill, le témoignage exceptionnel d'un héros de l'ombre », signé Bob Maloubier, préface de Jean-Louis Crémieux-Briac chez Talendier en 2011. Alors, Bob Maloubier, j'ai dit qu'après cette seconde blessure, vous avez été prisonnier pendant 6 mois. Pas du tout. Le temps m'a paru long, mais ça a duré une semaine, en fait, me dites-vous. Une semaine, oui. Alors, ça n'est pas la fin de la guerre pour vous, bien entendu, puisque là, vous êtes récupéré par le SOE. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Bah, le SOE, je rentre à Paris avec mon petit bras un peu blessé, mais qui se répare assez rapidement. Et ensuite, je erre dans Paris en disant qu'est-ce que je vais faire. Le SOE avait terminé ses missions en France, étant donné que la France était pratiquement occupée. Et à ce moment-là, il y a un colonel qui vient de je ne sais où, et qui cherche des agents pour la section SOE qui s'appelle la Force 136 contre les Japonais. Voilà. Alors je lève le doigt, j'ai dit « Moi, monsieur, je veux bien. La guerre n'est pas terminée, je veux la terminer. » Et je pars. Et là, cette fois, c'est le début des aventures orientales, parce que alors c'est un chapitre important de votre vie, bien entendu. Oui, on va oui. y venir tout à l'heure. Extrême oriental. Là, pour le moment, j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre d'aspects de cette guerre, bien entendu. Donc, retour à Tunis, enfin en Tunisie, au tout début, vous êtes à côté de Bizerte, on a bien compris. Là, vous apprenez que les Allemands vont débarquer, sont en train même de débarquer. C'est le moment de fuir vers l'ouest, vers l'Algérie, où les Alliés, en revanche, ont gagné du terrain. Oui, c'est un calcul très fin de Jean Gisling et de moi-même. Nous étions très intelligents, donc nous avions déduit que Bizerte étant le verrou de la Méditerranée, les Alliés débarqueraient à Bizerte. On a fait une légère erreur. sont les Allemands qui ont débarqué à Bizerte et les Alliés en Algérie. Donc on s'est retrouvés tous les deux coincés, lui, elle, à Ouina, et moi, à Bizerte. Lui a tué deux gardes et est parti de son côté, bien sûr, nous étions séparés. Et moi, ben, à ce moment-là, il y avait le colonel qui est de la base, qui se rendait aux Allemands. Ça ne me plaisait pas du tout, avoir fait tout chemin pour être rendu. Donc je lui ai volé son vélo et je suis parti à Alger avec. Voilà, c'est tout. Alors, vous dites c'est tout, mais à Alger, vous allez être aux premières loges, si je puis dire, d'un des événements historiques les plus mystérieux de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'assassinat de l'amiral Darlan. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé, vous étiez là, vous étiez sur place, si je puis dire. Sur place, je n'ai pas vu exactement. Pas l'assassinat lui-même. Mais... Enfin, j'étais un témoin assez proche, puisque c'est mon ami d'enfance, Fernand Bonnier de la Chapelle, que j'avais connu lorsqu'il était élève de Sainte-Croix de Neuilly. Moi, j'étais au lycée Pasteur, donc on s'est rencontrés. Vous le connaissiez depuis 6-7 ans déjà à l'époque. Depuis 6-7 ans, oui. Tout à fait par hasard, on s'est retrouvés là, il était là, toi, et moi aussi. Bon, c'est une été complètement farfelue, parce que n'oubliez pas quand même, les Alliés occupaient l'Afrique du Nord, Roosevelt, qui ne pouvait pas voir de Gaulle en peinture, avait donc gardé Darlan au pouvoir, toutes les administrations. Donc en même temps, vous aviez les gaullistes qui avaient aidé les Alliés à débarquer, étaient poursuivis par la police et certains étaient en prison. Et bien sûr, les Juifs, beaucoup de jeunes Juifs qui voulaient se battre, n'avaient pas le droit d'adhérer à rentrer dans l'armée parce que les lois de Vichy étaient toujours en vigueur. Donc ils affluaient. Donc les Anglais avaient pensé, enfin Churchill avait pensé à créer cette espèce d'unité clandestine dans une ferme, mais dans le dos de Roosevelt, hein, certainement. Tout était là, on était habillés, donc vous voyez, dans une unité, on était complètement illégaux, habillés avec des uniformes britanniques, des armements britanniques, en train de payer, pas du tout, mais nourris, on ne sait pas comment, en train de nous trimballer parfois dans Alger. C'est une affaire assez nébuleuse, cet assassinat et l'acte de Fernand Bonnier de la Chapelle. Oui, c'est nébuleux. Fernand était un boy scout, il était merveilleux, il avait 20 ans. Il croyait à Dieu, au pape, au roi. Il était royal, c'était un camelot du roi. Monarchiste, donc avec la tendance, le milieu monarchiste d'Alger, il y a beaucoup de monarchistes qui étaient repliés à Alger, il a été poussé petit à petit par son confesseur, le père Cordier, éliminer Darlan. Bien sûr, ni De Gaulle, ni Churchill n'ont été partie prenante, peut-on dire. Mais j'étais parfaitement au courant. Ça, vous l'affirmez en tout cas, oui. Moi, j'affirme. Alors, vous allez devoir prendre le large, si je puis dire. Là, ça tombe bien que vous ayez ce major de l'armée britannique qui vous sauve d'une certaine manière, qui vous propose d'aller en Angleterre. Oui, Jacques de Guély, était appartenu au SOI. Il était un peu l'agent recruteur. Dans cette unité, il y avait... Quand on avait formé des jeunes jeunes, certains qui partaient en mission un peu spéciale sur le front de Tunisie, et d'autres qui sortaient un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire les gens qui avaient passé les frontières, comme Fernand, comme moi, comme mes amis, là, en disant on peut faire autre chose, des agents secrets qui manquaient en Angleterre. C'est-à-dire que vous voulez toujours être pilote à l'époque, mais on vous dit, des pilotes, c'est pas ce qui manque. Ce dont on a besoin, ce sont des agents secrets. Donc on va vous former à ça. Comme dit Jacques de Guély, il me dit, major, je fais agent secret. Oui, il n'y avait pas le choix, de toute façon. Et quand même, on sent que vous avez pris plaisir à cet entraînement et à cette formation du SOE. Oh, bien sûr, quand on a 20 ans, quand on est sportif, c'était quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Enfin, jouer avec des explosifs quand on a 20 ans, faire du tir, sauter en parachute, etc. C'est quand même des activités qui sortent un peu du commun. Mais c'est ça. Alors, il y a bien sûr tout cet entraînement qui va durer plusieurs mois. Et ensuite, il y a les vraies missions. Donc, vous êtes parachuté à côté de Rouen, à Louviers, en fait. Et là, vous allez mener de vraies missions de sabotage sur le terrain en France occupée. C'est pour ça que je suis payé grassement, c'est-à-dire quelques livres par mois. Croyez pas qu'on était payé comme James Bond, pas du tout, c'était pitoyable. Oui. Bon, enfin, une fois en France, on avait notre mission à remplir, c'est-à-dire des objectifs qui nous étaient fixés par la Royal Navy, par le World Office, etc., en disant, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Voilà. Il faut dire que les sabotages étaient tellement bon marché en temps de guerre. Parce que, par exemple, cette centrale électrique de Rouen, pour essayer de la bombarder, ils avaient envoyé deux fois une escadrille de Mosquitos, c'est-à-dire deux fois six bombardiers avec la chance d'en voir descendre, le prix des heures de vol, des équipages, etc. Ça coûtait infiniment plus cher que d'envoyer des agents secrets, ça c'est sûr. On ne coûtait rien, les agents secrets sont bon marché. Et puis il y avait, il ne faut pas oublier, sur place, les propres réseaux de résistance qui eux-mêmes menaient des opérations de sabotage avec... tous les risques que ça peut supposer aussi, bien entendu. Oui, c'est-à-dire que nous étions proprement un réseau, une organisation parfaitement apolitique de spécialistes et uniquement pratiquement de sabotage. Quoique dans le SOI, il y a le nom exécutif, c'est-à-dire faire des exécutions. En fin de compte, il n'y en avait pas du tout. On apprenait en école en disant « c'est pas la peine de tuer un Allemand pour vous faire mal voir, pour attirer des représailles sur la population, etc. » Tout le monde, alors que les Russes en équarissent environ 10 000 par jour dans les plaines. Donc ne faites pas, faites du sabotage industriel. L'effort de guerre, l'ennemi industriel, c'est ce qu'il faut attaquer. Oui, voilà, bien sûr, on réorientait en quelque tout sorte. Tout à fait. Les ardeurs. Alors, racontez-nous cette première blessure sur laquelle je suis passé vraiment très vite, moi, tout à l'heure. Oh, c'est la suite d'une bêtise, d'ailleurs. J'ai toujours fait des bêtises toute ma vie. Une bêtise qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. Bah, je suis allé partir recueillir un parachutage dans la région d'Elbeuf. C'était le 20 décembre 1943. Et je vais partir avec un camion à gazogène. Et le chauffeur, à ce moment-là, c'était son anniversaire, donc il l'avait arrosé tellement qu'il était incapable de conduire. Donc j'ai attendu la dernière minute, je suis parti avec un petit vélo moteur que nous avions, et je suis parti beaucoup trop tard. J'aurais jamais dû partir à si près de l'heure du couvre-feu. Donc j'ai été pris par le couvre-feu par des Allemands sur la route d'Elbeuf. À ce moment-là, ils m'ont fait monter dans une voiture. Ensuite, il ne savait pas conduire ma moto, je suis remonté sur la moto. Et quand je suis arrivé devant la commandanture, ben j'ai jeté l'Allemand qui était derrière moi sur le temps de sable avec son Luger dans mon cou. Et je suis parti comme une gazelle. Une vraie gazelle. Mais pas très loin. Ben, c'est-à-dire que si. Mais comme ils étaient quatre avec des Schmeissers, des mitraillettes et des trucs, ça tirait quand même un peu dur. Donc j'ai pris une balle dans le dos qui m'a... Je suis tout de suite le foie parce que ça, on a une bretelle, les poumons parce que on crache le sang, etc. Mais j'ai pas ralenti pour autant, j'ai continué à faire jusqu'à un kilomètre. Et un kilomètre, une fois qu'ils ont... ils n'avaient plus de munitions, donc ils sont retournés vers leur cantonnement, vers la Feld Gendarmerie pour rechercher les munitions. Et je me suis dit, là, bon, bah, j'ai pris une balle là, je suis sûr que je vais mourir, à moins 20. Pour leur échapper, j'ai traversé un petit canal où j'avais de l'eau jusque-là, donc... Je me suis étendu sur un champ couvert de givre, donc j'ai dit là, je suis mort. Et effectivement, je suis mort. Mais entre-temps, les Allemands étaient partis chercher des chiens. Alors heureusement que j'avais traversé ce canal, sinon ils m'auraient retrouvé à la traque, bien sûr. Ils ne m'ont pas trouvé. Il y a eu l'avion qui venait parachuter, est arrivé à minuit. Il y a eu une alerte, les Allemands sont donc partis rentrer chez eux. Et moi, je suis resté sur mon champ. Je me suis réveillé le lendemain matin, à 5h du matin. Je suis monté chez moi à Rouen, je me suis mis dans mon lit, voilà. Et j'ai attendu que ça se passe. Ouais. Et alors, quel a été le résultat ? Ben, ça s'est passé, donc à ce moment-là, Londres m'a dit, bon, faut quand même, vous avez été sérieusement blessé, on ne sait pas où est la balle, on ne sait pas ce que vous avez. La balle, aujourd'hui, vous l'avez toujours, en l'occurrence ? Oui, la balle, on est marié avec, depuis, je suis marié avec elle depuis 70 ans, on est en excellent terme, jamais un mot plus haut que l'autre. Alors, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous avez réussi à guérir d'une telle blessure ? C'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas guéri, je n'ai rien fait, parce que je suis arrivé à Londres chez un médecin de Harley Street, et il y a des médecins qui ont des plaques en or et qui coûtent une fortune, qui devait coûter deux fortunes au SOI, puisqu'il devait garder le secret. Il m'a regardé, il m'a dit « Oh, my boy !» Il m'a dit « Mon cher, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez traversé un canal par moins 10 ?»« Très bien, mais écoutez, ça a arrêté l'hémorragie, il ne m'a même pas fait d'ausculter, ni fait de ratio, il m'a dit « Rentrez !» C'est le froid qui vous a sauvé, en quelque sorte. C'est le froid qui vous a sauvé. Oui, c'est ça. Et je pense que SOI a coûté très cher cette consultation de 5 minutes. Alors, vous êtes de nouveau bon pour le service et vous allez être parachuté de nouveau, je l'ai dit, très peu de temps après, au moment du débarquement, du débarquement en Normandie. Alors, il y a toutes ces opérations, on en parlait l'autre jour, il n'y a pas plus tard que 10 jours de cette libération de Limoges, évidemment. Ultérieure. Ah oui. Ce sont des moments extraordinaires aussi. Oui, si vous voulez. Vous faites partie des premiers qui entrent dans Limoges. Oui, mais tout à fait par hasard. Il m'arrive toujours comment dirais-je, des incidents pour le moins, parce que le préfet rouge de l'époque, c'était d'ailleurs le préfet rouge Guingouin, bien connu, le célèbre colonel Guingouin, lui, devait descendre à Limoges avec mon patron Philippe Liévert, qui avait négocié avec le général Gleniger, commandant la garnison allemande, les conditions de reddition. Et à ce moment-là, j'étais sur les hauts de Limoges avec ce que j'avais reçu peu de temps auparavant, une troupe de SAS et des Rangers américains qui faisaient très bien. Donc je vais me présenter et être derrière Guingouin pour présenter la garde d'honneur, et lui recevait les armes depuis des Allemands. Malheureusement, le soir, au lieu de comme nouvelle, j'entends tirer dans toute la ville. Je dis, ça y est, ils sont au milieu des Allemands, tu l'as fait. Et nous sommes descendus avec mes Rangers et tout le monde. Et je suis arrivé au centre de la ville, à l'état-major allemand, qui était le café de la paix. Et là, je tombe sur un Hauptmann qui me dit, bonjour, Herr Hauptmann. Je lui dis, oui, Herr Hauptmann, j'étais au capitaine tous les deux. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Si je n'en sais rien. Il me dit, je dois me rendre. Eh bien, qu'est arrivé à votre général? Ben, mon général est allé lire les conditions de reddition aux différentes postes de la garnison. Apparemment, quelque chose a dû se passer avec les SS, parce que je ne le vois pas revenir. Ben, je lui ai dit, écoutez, bon, ben, donnez-moi vos armes. Il m'a rendu les armes, c'est pas moi qui devais les recevoir. À ce moment-là, heureusement, un quart d'heure après, est arrivé Guingouin, et Philippe, j'ai dit à Georges, tu prends les armes, on fait tout. C'est toi qui recèles la garnison de Limoges, et je fais présenter les armes. Voilà. On va faire la version officielle. On va faire la version officielle. Alors, il y a un nom, et ça, c'est évidemment moins souriant. Il y a un nom qu'il faut citer, c'est celui de Violette Sabot. Ah, Violette, c'était une femme extraordinaire. C'était une... Oh. Ah, je l'ai bien connu, Violette, bien sûr, parce que nous faisions équipe. Vous savez, une équipe du SOI, c'est un peu comme un équipage d'avion. À Londres, on faisait tout ensemble, entraînement, on allait déjeuner, on dînait, on allait danser ensemble. J'allais voir, je passais des week-ends chez ses parents à Londres. Et on a été parachutés ensemble. Et malheureusement, deux jours après son arrivée, Philippe Liévert l'a envoyé faire une mission de liaison auprès du proche réseau de SOI qui se trouvait à Brive, qui était commandé par un garçon qui s'appelait Nestor, de son pseudo, Jacques Poirier. Et on ne le savait pas, on n'a été évacué ni par le maquis ni par Londres, que la Das Reich s'était ébranlée de Montauban et montée en direction de la Normandie, appelée en renfort pour le débarquement. Elle est tombée sur la Das Reich, un croisement de route. Elle s'est battue jusqu'à sa dernière cartouche. Et elle s'est foulée la cheville en courant dans des mottes. Elle a été arrêtée, elle est partie en déportation. Et elle est morte en janvier 45 d'une balle dans la tête. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez un agent secret de Churchill. Il s'appelle Robert Maloubier. Il est auteur du livre « L'espion au pied palmé » paru aux éditions du Rocher. Oui, Robert Maloubier a publié un certain nombre d'ouvrages. Et le dernier en date parle de l'opération Fortitude. C'est cette extraordinaire opération d'intoxication des Allemands par les services alliés à la veille du débarquement. Oui, c'est fabuleux d'ailleurs. Ça a été concocté par Churchill et un brain trust de farfelus, d'écrivains, de romanciers, de politiciens, etc. On a l'impression d'un roman, mais qui a été vécu. C'est invraisemblable. C'est un roman invraisemblable. Ouais. Ils ont fait 364 séances pendant la guerre à concocter des histoires, des faux bruits, à faire penser aux Allemands que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais alors qu'il avait lieu en Normandie. Et ça a marché. Évidemment. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, après la guerre, donc, vous nous avez dit, vous voilà parti en Extrême-Orient. Combien de fois avez-vous été blessé en tout, Robert Maloubier? Jamais 203. Oui, trois. Et là, la troisième a donc lieu là-bas. Oui, au Laos, oui. Vous avez été parachuté au Laos, en fait. Hein, oui. Et vous allez entrer dans les services secrets français, cette fois. Alors là, vous étiez entré, on va dire, un peu malgré vous. En tout cas, à votre corps défendant dans les services secrets britanniques, vous voilà maintenant enrôlé dans les services secrets français. Comment est-ce que ça s'est passé? Ben, écoutez, quand je suis rentré d'Orient, déjà, c'est-à-dire en 46, mon papa, qui lui avait des diplômes, m'a dit « Mon fils, tu n'as même pas ton certificat d'études, tout ce que tu sais faire, c'est éventuellement sauter en parachute, jouer avec des explosifs, tirer, tuer éventuellement. Mais je sais pas comment tu vas gagner ta vie dans le civil. Ben, comme tu es bon à rien, fais donc militaire. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai dit un jour à une conférence à Saint-Cyr. Ça a fait un petit peu... Mais j'ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est ce que le père, Lord Randall Churchill, a dit à son dit à son fils en disant, t'es bon à rien, tu vas faire militaire. Donc, je suis dans le vent de la bouée, comme on dit dans la marine. Et donc, vous avez, dans le cadre de, cet engagement, vous allez créer une unité de nageurs de combat. Oui, oui. Ça, c'est une, on peut dire que c'est une innovation, en quelque sorte, dans l'action des services. Ben, c'était une innovation, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait une mission un peu de renseignement en Autriche. Ensuite, je dirigeais une école d'espions, parce qu'on parachutait des espions derrière la rideau de fer, nous, à ce moment-là. Donc, je formais des espions slaves, etc., etc. Et en même temps, mon patron, qui avait quand même un certain humour, me dit, comme tu n'as rien à faire, regarde donc, il y a des rapports sur des petites opérations de débarquement. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, écoute, il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on dit toujours, on va débarquer quand les nageurs de combat auront débarrassé les obstacles de plage. Je lui dis, on n'a pas de nageurs de combat. Alors, il me dit, écoute, t'as qu'à écrire au ministre. Je lui dis, tu rigoles. Le ministre, il va prendre mon papier, il va aller dans la corbeille à papier. Pas du tout. Le ministre a reçu ça et 15 jours après, il y avait une réponse en disant, il n'y a pas de nageurs de combat? Eh bien, faites-en. Voilà. Alors, il a fallu tout inventer. Là, de quel modèle vous êtes-vous inspiré à ce moment-là? Je suis parti quand même, comme j'avais été capitaine dans l'armée britannique, les Britanniques m'ont accepté. J'ai fait 2 stages de formation de frogman dans les Royal Marines britanniques. Donc, je suis revenu avec une certaine formation et nous sommes partis avec un garçon qui s'appelle l'enseigne de vaisseau Riffaut à l'époque. Mm-hmm. On s'est retrouvé, comme on disait, un rameur et un biffin, tous les deux, en disant qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, on fait des nageurs de combat. Et on n'avait rien. On est parti de scratch, de zéro. Mais vous êtes relativement discret sur tout ce que vous avez fait là, à ce moment-là, Robert Maloubier. Quelles étaient vos missions, en quelque sorte? De quoi? Dans ces années 1950. Je vous l'ai dit, j'ai l'école d'espion, puis ensuite, à un moment donné... En dehors de l'école, vous n'aviez pas, vous, de mission à titre personnel? Si, bon, j'avais des... On avait pour mission, on avait créé une section que j'ai appelée d'ailleurs assez... drôlement, Murder Incorporated. C'est-à-dire, que l'époque de la guerre d'Algérie, nous avions pour mission d'aller descendre, exécuter, non pas les porteurs de valises, mais les financiers et les fournisseurs d'armes du FLN, vers l'Algérie, si vous voulez. Alors, on m'avait fourni à ce moment-là des repris de justice que j'appelle des demi-selles qui valaient pas un clou, qui me laissaient tomber à chaque fois qu'il fallait tirer. Ensuite, moi-même, j'ai recruté les plus grands gangsters de Paris, menés par Joe Attia, qui était à ce moment-là, on l'appelait le prince du non-lieu, etc., etc. Ils ont pas fait mieux. Ce qui fait que j'étais un peu la risée de toute la DGSE de l'époque, parce que le Murder Incorporated n'a jamais tué personne. Voilà. Alors, en 1956, la DGSE, c'est le SDEC à l'époque. C'est le SDEC. Oui. En 1956, on découvre du pétrole au Gabon. C'est une sorte de nouvelle ruée vers l'or, d'une certaine manière. L'or noir, en l'occurrence. Vous en faites partie, vous, de cette ruée vers l'or noir. Vous avez travaillé pour une grande compagnie, on peut dire laquelle, pour la Shell, en l'occurrence. Oui. Bon, j'ai démissionné parce que, à la suite d'une opération manquée par Joe Attia, où je risquais d'être mis en lumière par la presse en disant qui drivait Joe Attia, il y a un officier français qui drivait Joe Attia. On m'a dit de me mettre au vert, je suis parti me mettre au vert au Gabon, j'ai rencontré les amis, j'ai trouvé le pays tellement sympathique, j'ai dit bon je vais changer un peu. Donc j'ai démissionné de l'armée et je me suis engagé comme forestier. On est à la grande époque de ce qu'on a appelé la France-Afrique en fait, hein. Il y avait là... Oui. La France-Afrique, oui, alors j'étais forestier, etc., très bien. Ensuite, il y a eu l'Eldorado du pétrole, si vous voulez, donc les compagnies pétrolières cherchaient partout des gens, même sans diplôme comme moi, mais sachant lire et écrire. Donc je me suis retrouvé directeur administratif adjoint de la Shell, à l'époque de Shell Production, voilà. Et j'étais pratiquement heureux quand j'ai reçu un coup de téléphone de Jacques Faucard, qui était mon ami, que je connaissais très bien. Et bon président du Gabon, Léon Mba, bon président tribal, avait été renversé par de jeunes officiers que nous avions formés en France, d'ailleurs, qui avaient dit, bon, bah, maintenant qu'on est intelligent, on vire le président. Donc à ce moment-là, le centre de Gaulle n'avait fait qu'un tour. Il avait envoyé un DC-8 de para. On est en 64, là, c'est ça, hein ? On est en 64. Oui. Et Focard me dit, bah, tu te mets à côté du président. Je dis, mais je peux pas, on trouve du pétrole. On travaille 25 heures par jour, c'est démentiel. On cherche des avions, des trucs. Vous savez, la découverte du pétrole, c'est quelque chose d'extraordinaire dans une compagnie. On avait touché. Je m'en fiche. J'ai dit, bon, je suis allé trouver le président de ma compagnie. Je m'en vais. Il a été assez sympa, d'ailleurs. Il a pu me claquer, il m'a pas claqué. J'ai dit, bon, bah, je suis parti pendant 2 ans et demi comme attaché auprès du président de la République du Gabon. Voilà. J'ai monté une garde, entre choses, parce qu'il n'y avait pas de garde. Quand il avait été arrêté, il avait juste un gendarme dans son bureau qui chiquait, qui fumait, etc. Donc les officiers étaient arrivés, ils avaient dit « on emmène le président ». On dit « on va quand même garder le président ». L'autre jour, j'ai vu que vous faisiez rire la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'oreille ? On n'entendait pas, ce que vous lui disiez. C'est peut-être très secret, après tout. Ah non. Non, la reine que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, d'ailleurs. Et là, que... Comme il fallait, on m'a dit qu'il fallait dire quelque chose à la reine. Je lui dis, Majesté, vous savez, je me souviens très bien de vous il y a 70 ans. Elle me dit, really? Je lui dis, oui, vous étiez guide. Vous n'étiez pas encore. Et il y a eu un bombardement qui s'est trouvé à South Kensington, dans le quartier que j'habitais. Et le lendemain matin, évidemment, il y avait un tas de ruines. Et sur le tas de ruines, il était très courant que Winston Churchill, le roi, la reine et les deux princesses viennent consoler les habitants, réconforter les habitants. Mais je me dis, j'étais là par hasard. Et je vous ai vu avec votre petit chapeau de guide, etc. Et ce qui m'intéressait, c'est votre sifflet. Vous aviez un beau sifflet. Alors... C'est ça qui l'a fait rire. Alors. Oui. Merci beaucoup, Bob Maloubier. L'espion au pied palmé, c'est aux éditions du Rocher. Fortitude aussi, qui vient de sortir. Là. Oui, les secrets du jour J. Les secrets du jour J. Merci beaucoup de ce témoignage invraisemblable. Voilà. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Tiffany via la page Facebook de l'émission. Bonjour, pourriez-vous revenir sur les origines du braille ? Eh bien, le braille a été inventé par Louis Braille, évidemment, qui était très jeune. Il avait 3 ans quand il a eu une infection aux yeux qui lui a fait perdre la vue. Il était entré à l'Institut des jeunes aveugles de Paris à l'âge de 12 ans. C'est un très bon élève et il va découvrir la méthode dite de Barbier de la Serre qui avait déjà établi un alphabet, enfin pas un alphabet, mais une méthode de lecture en relief pour les personnes non-voyantes. Et finalement, il trouve que ce n'est pas une bonne méthode, c'était seulement phonique, on ne respectait pas la ponctuation, on ne respectait pas l'orthographe, etc. Il va donc travailler sur un nouveau système qu'il met au point à l'âge de 16 ans et en 28, il publie son premier ouvrage et cette première méthode qu'on va appeler la méthode Braille. Je vois Bob Maloubier qui a un mot encore à nous dire. Oui, je voudrais dire que mon mentor de toute ma vie, et Hubert Reeves, cet astrophysicien philosophe, qui disait une chose, tout est matière, le hasard et ensuite la nécessité. Eh oui, le hasard et la nécessité, c'est un bel exergue à la vie que vous venez de nous raconter. Merci Bob Maloubier.